Je veux pas fuir. Je veux pas fuir. Je veux pas fuir. Je veux pas fuir. Je ne veux plus fuir mon père qui me déteste. Je veux plus avoir de vue sur toi comme une bête. Je veux plus choisir entre toi et Ray. Je veux plus faire des choses à ton chevet. Je veux plus subir ta perte. Je veux plus de chambre qui prenne la mienne. Je ne veux plus te voir comme un légume, incapable de bouger comme de jus. Je ne veux plus te voir dans ce lit désinfecté. Je veux te voir danser, chanter. Je ne veux pas fuir. Je ne veux pas fuir. Je ne veux pas fuir. Nine, je ne veux pas fuir. Je ne veux plus voir les vadeux dans ton garage. Je ne veux plus de médicaux autour de toi. Je veux que tu retrouves ta rage. Et je veux que tu me retraites de ma case. Je ne veux plus te voir comme un légume, incapable de bouger comme de jus. Je ne veux plus te voir dans ce lit désinfecté. Je veux te voir danser, chanter. Depuis 7 ans je t'ai bousillé la cervelle sous tes vœux. Je n'aurais été cloué, allongé comme une torade, comme un rocher, comme mortu.